J'adore manger. Monsieur Delon adore manger, lui aussi. Monsieur Delon n'est pas gros, mais moi, je suis très, très gros. Ma femme n'est pas contente. Tant pis. Aujourd'hui, je vais prendre de la soupe. J'aime beaucoup la soupe à l'oignon. Ensuite, je vais prendre des hors-d'œuvre variés et du poisson. J'aime surtout la truite. Ensuite, je vais prendre du poulet. Ensuite, des légumes et une salade. J'aime surtout la laitue. Ensuite, du fromage, du roquefort ou du gruyère, et une grosse pomme. Je vais prendre du vin rouge, et enfin, du café. C'est tout.